ma voiture, vous restez devant ma maison, c'est comme ça on va espacer pour ne pas couper, pour voilà. Si vous voulez rentrer dans la cour, là, à l'intérieur, là. Non, c'est bon, c'est non, là. C'est bon. Voilà, vous pouvez utiliser là, là, voilà. C'est pour espacer, pour... Concert ce soir. Attends, tu peux... Attends, je vais faire le coup. Ça va être battle. C'était quoi ce soir? J'avais fait un morceau tout à l'heure. Ça représentait du magie. Thank you. pourrais faire le duo de trompette et violon. Ah, bientôt. Ah ouais, c'est bien ça. On l'a trouvé, mais je sais, je connais pas. C'est ça, il faut l'entraîner. Ouais. Bah, les yeux bleus. Voilà, les yeux c'est bleus. Comment les yeux bleus, Gérard? Non, bah non, je vais pas te le faire. C'est comment déjà? Quelqu'un saurait nous chanter les yeux bleus? Du répertoire classique. Laetitia, ouais. On va fumer, après on va t'envoyer. Ah ouais, je suis bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est possible.